Tout à coup, la dormeuse se réveilla. Il est probable que Gwynplaine respirait, comme lorsqu'on retient son souffle avec effort. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? » dit-elle. Elle le vit. Elle le regarda, prodigieusement étonnée, mais sans aucun tressaillement, avec une nuance de bonheur et de mépris. « Tiens, » dit-elle, « Gwynplaine. » Puis subitement d'un bond violent, car cette chatte était une panthère, elle se jeta à son cou. Ils se fascinaient l'un l'autre, lui par la difformité, elle par la beauté, tous deux par l'horreur. « Tu as de l'esprit. Tu es venu. Tu as su que j'avais été forcé de partir de Londres. Tu m'as suivi. Tu as bien fait. Tu es extraordinaire d'être ici. Anne, cette sotte, tu sais, la reine, elle m'a fait venir à Windsor sans savoir pourquoi. Mais comment as-tu fait pour pénétrer jusqu'à moi? Voilà ce que j'appelle être un homme. Tu t'es renseigné. Mon nom, la duchesse Josiane, je pense que tu le savais. C'est dit, tu es mon amant. » Gwynplaine, égaré, étourdi, écoutait, sentant de plus en plus sa pensée osciller. C'était fini, et impossible de douter, la lettre de la nuit, cette femme la confirmait. Lui, Gwynplaine, amant d'une duchesse, amant aimé, l'immense orgueil aux mille têtes sombres remua dans ce cœur infortuné. La duchesse continua. « Puisque tu es là, c'est que c'est voulu. Je n'en donne pas davantage. Viens dans mes bras. » Elle se laissa tomber sur un canapé et le fit tomber près d'elle. Elle parlait en tumulte, frénétiquement, d'une voix éperdue et tendre. Sa parole était une musique, mais Gwynplaine entendait cette musique comme une tempête. « Je t'aime, non seulement parce que tu es difforme, mais parce que tu es vil. J'aime le monstre et j'aime l'histrion. Un amant humilié, bafoué, grotesque, hideux, exposé au rire sur ce pilori qu'on appelle un théâtre. Cela a une saveur extraordinaire. C'est mordre au fruit de l'abîme. Un amant infamant, c'est exquis. Gwynplaine, personne ne m'a possédé. Je me donne à toi, pur comme la braise ardente. Tu ne me crois évidemment pas, mais si tu savais, comme cela m'est égal. Tais-toi, prends-moi. Oh, Gwynplaine, tu me désennuies. Brusquement, elle lui saisit les mains.